cap dans l'impact comme à Bagdad. Première phase, première patate, MK prod sur les bacs. JKR à la prod, Dina à la console. Les présentations sont faites, je suis au casse-pipe pour un 17 titres. Peut-être certains me sucent la bite, peut-être certains critiquent. Tout ce que j'ai, mon champ de bataille n'a pas de limite. Savoir distinguer les vrais, les faux te chlassent dans le dos. Mes petits frères écoutent, mes petits frères respectent. Dans une époque où même le respect se perd, mes grands frères débloquent. Depuis l'époque de mes blagues débloquent. Fidèle à mes principes, fidèle à ma musique. Aucune prétention, juste un artiste. Un art qui me donne la force de vivre. Mon peur, faut le comprendre, je suis un soliste. Lexique insolite, ma plume est écorchée vive. N'aime pas les sons lisses. Guerrier l'attitude, bigrave comme habitude. Dans mon son, c'est tout mon sang sur mes 16, une certitude. À force de planer, mes guerriers prennent de l'altitude. Sur mon champ de bataille, l'oseille nous mène la vie rude. Guerrier l'attitude, bigrave comme habitude. Dans mon son, c'est tout mon sang sur mes 16, une certitude. À force de planer, mes guerriers prennent de l'altitude. Sur mon champ de bataille, l'oseille nous mène la vie rude. Le sang versé ne cesse jamais, dans la paix, la guerre précède. L'écriture nous possède, l'écriture nous obsède, observe. MC hors pair, même si je t'en perds, rien que ça me tord les nerfs. Contrôle tes émotions, la maîtrise se perd du haut de nos balcons. Tout en panne, nous mène pas le trap, pas le time, parle pas. Agis, la rancœur est bien palpable. À cette heure-ci, on balance ton permis port d'art. Votre crise, on la connaît depuis tout petit, on joue avec les flammes. La débrouille, frérot, la déroute, les coups de blues, les coups de coude qui laissent sur le carreau, mais pas le doute. Tu kiffes pas, pourquoi tu m'écoutes? Là, je découpe, là, je doute que tu me coupes, mais cesse t'en foutre. Tu les redoutes, tu les vautours qui veulent ma croûte. Sur mon champ de bataille, je suis un pilier gros. Y'a tous mes guerriers derrière, s'il faut tes sauts. Guerrier l'attitude, bigrave comme habitude. Dans mon son, c'est tout mon sang sur mes 16, une certitude. À force de planer, mes guerriers prennent de l'altitude. Sur mon champ de bataille, l'oseille nous mène la vie rude. Guerrier l'attitude, bigrave comme habitude. Dans mon son, c'est tout mon sang sur mes 16, une certitude. À force de planer, mes guerriers prennent de l'altitude. Sur mon champ de bataille, l'oseille nous mène la vie. J'suis au front, j'ramène de la pure pour mes puristes. Tu connais le blast, papy. Mike Lee Prod, c'est la famille. On est à l'ouest, jusqu'à Joinville. Les SR, FLC, Trap, 974 au Vietnam. Tu Cambodge, double 3. Négro international. Haïti, Tahiti, jusqu'à là-bas, y'a nos frères négueux. Pas de frontières dans ma musique, ma gueule. Même les crasseuses peuvent écouter mes disques, savourer les gifs. Les rages me donnent la barre, j'suis encore plus actif. Depuis le premier maxi, j'ai encore plus les crocs. Faudra s'y faire les héros. Mon Zamal, je l'affectionne, je cautionne pas l'héros. Avec des voyelles, mes consonnes me consolent. Aucune boussole derrière les barreaux. Robert Massé, premier préau. À la maison de quartier, premier constat. Tout le monde veut le magot. Guerrier l'attitude, bigrave comme habitude. Dans mon son, c'est tout mon sang sur mes 16, une certitude. À force de planer, mes guerriers prennent de l'altitude. Sur mon champ de bataille, l'oseille nous mène la vie rude. Guerrier l'attitude, bigrave comme habitude. Dans mon son, c'est tout mon sang sur mes 16, une certitude. À force de planer, mes guerriers prennent de l'altitude. Sur mon champ de bataille, l'oseille nous mène la vie rude. Guerrier l'attitude, bigrave comme habitude. Dans mon son, c'est tout mon sang sur mes 16, une certitude. À force de planer, mes guerriers prennent de l'altitude. Sur mon champ de bataille, l'oseille nous mène la vie rude. Guerrier l'attitude, bigrave comme habitude. Dans mon son, c'est tout mon sang sur mes 16, une certitude. À force de planer, mes guerriers prennent de l'altitude. Sur mon champ de bataille, l'oseille nous mène la vie rude.